إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier la discussion qu'Ibrahim alayhi salam eut avec son peuple lorsqu'il les appela à délaisser l'adoration des statues et à vouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve ce récit à partir du verset 83 de Surat As-Saffat, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a aussi mentionné un autre événement important de la vie d'Ibrahim alayhi salam, qui est l'épreuve du sacrifice de son fils. Et c'est sur ces versets que nous allons méditer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Donc après qu'Ibrahim alayhi salam ait détruit les statues de son peuple, comme on l'a vu hier, ces derniers tentèrent de le tuer, en le jetant dans un énorme bûcher, pour le punir d'avoir détruit leur divinité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala mit leur plan en échec. Il préserva Ibrahim alayhi salam et fit pour lui de ce feu une fraîcheur salutaire. Ibrahim alayhi salam en sortit donc sans avoir subi aucun préjudice ni même aucune douleur. Après cela, il dit, comme on le trouve au verset 99 de Surat As-Saffat, « Inni dhahibun ila rabbi sayahdin » Il dit « Je m'en vais vers mon Seigneur et il me guidera. » C'est-à-dire, « Je vais émigrer vers mon Seigneur et quitter cette terre de mécréance pour me diriger vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il me guidera, c'est-à-dire qu'il m'indiquera ce qui est bon pour moi en ce qui concerne mes affaires religieuses et mes affaires mondaines. Donc ne voyant aucun bien en son peuple, Ibrahim alayhi salam quitta leur terre et émigra vers la terre bénie du Cham. Une fois arrivé sur cette terre, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Rabbi habli minas salihin »« Seigneur, fais-moi don d'une progéniture parmi les vertueux. » Il demanda donc à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un enfant vertueux, un enfant qui lui serait profitable durant sa vie et après sa mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala répondit à son invocation. Il dit dans le verset suivant « Fabasharnahu bi ghulamin halim » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Halim, patient et indulgent. Et ce garçon n'est autre qu'Ismaïl alayhi salam. Car l'annonce de la naissance de Ishaq vient clairement dans les versets suivants cela. Et ceci prouve que l'enfant dont il est question ici est Ismaïl et il n'y a aucun doute à ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié Ismaïl alayhi salam comme étant Halim. Et ceci est une qualité réunissant entre la patience, le bon comportement, l'indulgence et le pardon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيِ » Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner. C'est-à-dire lorsque Ismaïl alayhi salam grandit, qu'il atteint un âge où il n'est plus une charge pour ses parents mais qu'il est profitable pour eux. Et ceci est un âge où généralement l'enfant est aimé par ses parents. Ibrahim alayhi salam dit alors « Ya Bunaï, inni ara fil manami anni adbahuk »« Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. » C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam a vu en rêve durant son sommeil qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait d'immoler son fils. Et les visions des prophètes alayhim salatu wa salam sont véritées et font partie de la révélation. Et on dit qu'Ibrahim alayhi salam vit cela trois nuits de suite. Puis lorsqu'il eut la certitude que ceci était un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en informa son fils et lui dit « Fanvur ma'la tara » Vois donc ce que tu en penses. Bien que ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel il était obligatoire pour lui de se soumettre, on dit qu'il en a informé son fils de cette manière afin de voir comment il ferait preuve de patience face à cette épreuve. Ismaïl alayhi salam dit alors « Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. » Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Subhanallah. Il informe son père qu'il était prêt à patienter face à cette lourde épreuve. Il l'encourage donc à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, car il avait lui aussi la ferme conviction qu'il ne leur incombait que de se soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rapporte que lorsqu'Ibrahim alayhi salam se vit en songe en train d'immoler son fils, le diable fit tout afin de l'en détourner. Il prit alors l'apparence d'un homme et se rendit auprès de la mère de Ismaïl, et lui dit « Sais-tu où est parti Ibrahim avec ton fils ?» Alors elle répondit qu'ils étaient tous deux partis ramasser du bois. Le diable lui dit alors « Non par Allah, mais il est parti afin de l'immoler. » Alors la mère d'Ismaïl répondit « Il est bien plus clément et aime bien trop son fils pour faire cela. » Le diable lui dit « Il prétend qu'Allah lui a ordonné cela. » Méditez ensuite sur la réponse de la mère de Ismaïl, alayhi salam, qui lui dit alors, si c'est son Seigneur qui lui a ordonné cela, alors il a bien fait d'obéir à son Seigneur. Allahu Akbar. Alors le diable comprit qu'il n'y avait rien à faire avec elle pour empêcher Ibrahim, alayhi salam, de se soumettre à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se rendit donc vers Ismaïl, alayhi salam, et lui dit, ô jeune garçon, sais-tu où t'emmène ton père? Alors Ismaïl lui répondit, nous allons ramasser du bois pour notre famille. Il lui dit, non par Allah, mais il veut t'immoler. Ismaïl lui dit alors, et pourquoi? Alors le diable lui dit, toujours sous l'apparence d'un homme, il prétend que son Seigneur lui a ordonné cela. Alors Ismaïl de lui répondre, qu'il fasse ce que son Seigneur lui a ordonné. Nous lui devons écoute et obéissance. Il vit alors qu'il n'y avait rien à faire avec Ismaïl non plus. Il se rendit donc alors vers Ibrahim alayhi salam et lui dit « Où vas-tu ?» Ibrahim alayhi salam lui dit alors « Je me rends à cet endroit pour un besoin. » Le diable lui dit alors, toujours sous l'apparence d'un homme « Wallahi, je vois que le diable est venu à toi dans ton sommeil et t'a ordonné d'immoler ton fils. » Alors Ibrahim alayhi salam comprit immédiatement et lui dit « Écarte-toi de moi, ô ennemi d'Allah. » « Par Allah, je ferai ce qu'Allah m'a ordonné. » Le diable partit donc, sans pouvoir empêcher Ibrahim et Ismaïl, alayhim assalam, de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset suivant, « فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ » Puis quand tous deux se furent soumis et qu'ils le jetaient sur le front. C'est-à-dire lorsqu'Ibrahim et Ismaïl, alayhim assalam, se furent soumis, et qu'Ibrahim prit la ferme décision d'immoler son fils, afin de se soumettre à l'ordre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, par espoir de sa récompense, et crainte de son châtiment, et ce malgré l'amour qu'il avait pour son fils. Et lorsqu'Ismaïl, alayhi salam, fit quant à lui preuve d'une patience exemplaire, et qu'il aida son père à se soumettre à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors Ibrahim mit son fils au sol, sur son front, en lui tournant le visage vers le sol, afin de ne pas le regarder au moment de l'immolation. C'est alors qu'Ibrahim fut interpellé. « وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم » Voilà que nous l'appelâmes, ô Ibrahim. « قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا » Tu as certes confirmé la vision. Tu t'es soumis à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cet ordre qui t'a été donné. En effet, Ibrahim, alayhi salam, il s'apprêtait à immoler son fils. Il ne lui restait plus qu'à faire passer le couteau sur le cou de Ismaïl. Mais c'est alors qu'il lui fut annoncé qu'il n'avait plus besoin de le faire étant donné que sa soumission était clairement apparue. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna kadhalika najazil muhsinin » C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala le récompensa pour sa soumission et il le qualifia de bienfaisant. Les bienfaisants, ce sont ceux qui pratiquent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à perfection, qui font des efforts pour parfaire leur adoration et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en faisant prévaloir ce qu'Allah aime au désir de leurs âmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin » Ce fut certes une épreuve manifeste. En effet, ceci est vraiment une lourde épreuve. Imaginez-vous Ibrahim alayhi salam qui n'avait pas d'enfant, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui donne un enfant vertueux. Il voit cet enfant grandir, Cet enfant qui atteint un âge où il devient profitable pour ses parents, et c'est alors qu'il reçoit l'ordre de l'immoler. Malgré cela, ils se sont tous deux soumis à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une fois que leur soumission est apparue, il n'y avait plus de raison qu'il immole son fils. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit « Wafadaynahu bidhibhin azim » et nous lui donnâmes en rançon une immolation généreuse. C'est-à-dire que Ismaïl fut racheté par une offrande de grande valeur, et son immolation fut remplacée par celle d'un grand bélier qu'Ibrahim alayhi salam immola. Donc cette immolation fut qualifiée d'immense et généreuse, car elle servit de rançon pour Ismaïl alayhi salam, et également car cette immolation devint un des rites religieux les plus immenses qui perdurera jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, salut sur Ibrahim. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit d'éminents éloges sur Ibrahim alayhi salam, des éloges qui se sont transmis jusqu'aux générations futures, à tel point qu'Ibrahim alayhi salam fut aimé et loué par tous après sa mort. Et telle est la situation jusqu'à aujourd'hui, où l'on mentionne encore Ibrahim alayhi salam et sa patience et sa grande soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que ce récit renferme de nombreuses leçons et de nombreux enseignements. Premièrement, on voit dans ce récit la légitimité de l'émigration des terres de mécréance, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam, en quittant la terre de son peuple, qui a adoré des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a fait la hijra, qui a émigré vers le Cham, comme Allah subhanahu wa ta'ala le lui avait ordonné. Et de la même manière, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir appelé son peuple au tawhid, a voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala durant 13 années à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna l'émigration vers Médine. Et après lui, les croyants n'ont cessé d'émigrer des terres de mécréance vers les terres d'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette obligation perdurera jusqu'à la venue de l'heure. En effet, il dit dans le hadith authentique, la hijra ne cessera pas tant que le repentir ne cessera, et le repentir ne cessera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher, c'est-à-dire jusqu'à la venue de l'heure. Donc, quitter les terres de mécréance pour se rendre vers les terres d'islam, dans lesquelles le croyant peut librement adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, peut librement se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut librement s'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une obligation pour tout croyant qui vit en terre de mécréance où il ne peut pas pratiquer et extérioriser sa religion comme il se doit. Et ceci est d'autant plus vrai à notre époque où les restrictions sur les musulmans sont de plus en plus nombreuses. Wallahul musta'an. Deuxièmement, on voit à travers ce récit le mérite de l'invocation. Regardez Ibrahim alayhi salam, qui n'avait pas d'enfant, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui donne un enfant vertueux. Et c'est ainsi que doit agir le croyant, adresser ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ et lorsque mes serviteurs t'interroge à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc lorsque tu te retrouves en détresse, lorsque tu te retrouves en difficulté, ou même lorsque tu souhaites obtenir un bien parmi les biens religieux ou mondains, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu souhaites demander une chose, demande-la à Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Et tu dois avoir la ferme conviction et la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations de ses serviteurs. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce récit c'est que les visions des prophètes alayhim salatu wassalam sont vérité. Et c'est pour cela qu'Ibrahim alayhi salam s'est soumis à ce qu'il avait vu en rêve, car ceci était une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il faut savoir qu'en ce qui nous concerne, ce genre de vision peut probablement venir du diable, qui essaye de nous effrayer et nous faire voir, durant notre sommeil, des choses qui nous déplaisent. Donc, il ne nous est pas demandé, si nous voyons, durant notre sommeil, ce genre de choses, de se lever et de l'accomplir. Bien au contraire, si tu vois durant un rêve une chose qui te déplaît, et que tu te réveilles, alors il est légiféré pour toi de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable à trois reprises, en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et de crachoter à ta gauche, de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal que tu as vu dans ce rêve, puis de te tourner. Il est également légiféré, si vraiment tu es effrayé par ce mauvais rêve, de te lever, de faire des ablutions et de prier. Et tu ne dois informer personne de ce que tu as vu parmi les mauvais rêves. Ceci est une chose très importante. Tu ne dois pas raconter tes cauchemars, raconter les mauvaises choses que tu as pu voir durant ton sommeil. Mais tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cela. Tu agis de la manière légiférée, tu n'en informes personne. Et si tu fais une bonne vision, si tu vois une chose plaisante, que tu te vois dans une situation plaisante, ou autre chose semblable, alors tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et t'en réjouir. Et il n'y a pas de gêne à ce que tu en informes des personnes que tu aimes. Et tu ne dois pas te laisser leurrer par cette vision. Il se peut qu'un croyant, par exemple, se voit dans une belle situation au paradis ou des choses comme cela. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala pour cela à son réveil. Il se réjouit de cela, mais il ne doit pas se laisser leurrer. Comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, la bonne vision, elle réjouit le croyant, mais elle ne le trompe pas. C'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur ce qu'il a vu dans son rêve. Mais il sait qu'il lui incombe, pour avoir une bonne situation ici-bas et dans l'au-delà, d'œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la révélation s'est interrompue après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut donc pas tirer des rêves, des législations, ou des interdits qui deviennent permis, ou autre chose semblable comme on le trouve chez certaines confréries parmi des gens de l'innovation et de l'égarement, comme chez les soufis, wallahu al-musta'an. La quatrième leçon, le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit est qu'il incombe aux croyants de faire prévaloir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée sur ce que son âme aime et désire. Et nous avons un excellent exemple à suivre en Ibrahim alayhi salam en cela. Regardez, malgré l'amour qu'il portait à son fils, malgré qu'il désirait cet enfant, qu'il l'ait vu grandir et qu'il l'aimait beaucoup, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de l'immoler, il s'est soumis à cet ordre sans hésiter. Et c'est ainsi que doit se comporter le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Tu te dois de t'y soumettre, même si cela peut parfois s'opposer au désir de ton âme. Regardez durant le jeûne, notamment durant les journées de forte chaleur. Tu aimerais boire, mais tu fais prévaloir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a interdit de boire durant la journée. Et il en est de même avec les autres désirs, parmi les choses permises qui nous sont interdites durant le jeûne. Et de la même manière, si ton âme a un penchant pour un péché, qu'elle le désire, tu te dois de le délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala et de faire prévaloir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ne pas faire comme le font les gens à la fois faibles qui suivent leurs désirs et leurs passions et les font prévaloir sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala au risque d'encourir sa colère et son châtiment. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le cinquième bénéfice, la cinquième leçon que l'on tire de ce récit, c'est qu'il est légiféré pour les parents et les enfants de s'entraider dans le bien et la piété. Regardez Ismaïl alayhi salam, lorsqu'il sut que cet ordre venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son père, fais ce qui t'a été ordonné. Il ne s'est pas opposé à cet ordre, il ne lui a pas dit, pourquoi moi, pourquoi me tuer moi, et pourquoi ne pas immoler quelqu'un d'autre. Mais il s'est soumis, et il s'est entraidé avec son père dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il convient de se comporter, entre croyants de manière générale et plus particulièrement entre les membres d'un même foyer. Le père avec son fils, avec ses filles, la mère avec ses enfants, l'homme avec son épouse, la femme avec son mari, ainsi de suite. Nous nous devons de nous entraider dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'on voit que l'un a des difficultés à accomplir certaines choses, on se doit de l'aider en cela, de l'encourager. Si l'on voit que l'un a des manquements, on se doit de le rappeler à l'ordre et de l'encourager à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser ses interdits, et ainsi de suite. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et certaines personnes, c'est l'inverse. L'enfant veut accomplir certaines œuvres de bien, ses parents l'en empêchent. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne laisse pas pousser ta barbe, ne mets pas le voile. A'oudhou billah. Au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de leur avoir donné des enfants vertueux qui ont choisi la voie de la droiture, ils leur mettent des bâtons dans les roues et leur rendent la chose difficile, au lieu de les aider en cela. Et ceci est une erreur. Et de la même manière, certains enfants, en raison de leur éloignement du chemin de la droiture ou de leur insouciance, ils poussent parfois leurs parents à commettre certains péchés, comme en leur demandant de leur acheter des choses interdites, ou encore en faisant des péchés sous leurs yeux dans le foyer. Il se peut parfois que certains parents faiblissent avec le temps et les années. Alors, ces enfants sont la cause des péchés de leurs parents, Wallahul Musta'an. Et de la même manière, l'homme avec sa femme, et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous incombe de nous entraider dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas l'inverse. Car tout foyer qui sera bâti sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et aura pour objectif l'entraide dans le bien et la piété, alors il n'y a pas de doute qu'il trouvera la quiétude et la sérénité par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, les foyers dans lesquels les péchés sont fréquents et abondants, dans lesquels les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées, dans lesquels les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont délaissés, alors il n'y a pas de doute que de tels foyers sont des refuges pour les démons et que la quiétude et la sérénité ne pourront pas s'y trouver. Wal'iyadu billah. Enfin, le sixième bénéfice ou la sixième leçon que l'on tire de ce récit, c'est que celui qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se soumet à ses ordres, alors Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en bien. En effet, regardez Ibrahim alayhi salam, malgré la difficulté de l'épreuve, il s'est soumis à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala le récompensa donc en laissant son fils en vie, en lui donnant en rançon un bélier immense à sacrifier. Donc de la même manière, lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné une chose, ou lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit une chose, n'hésite pas une seconde à te soumettre et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la certitude que ce que tu délaisses pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te le remplacera par quelque chose de meilleur. Il y a certaines personnes parfois lorsqu'ils font des péchés, lorsque par exemple ils ont des revenus illicites ou des choses comme cela, ils ont du mal à délaisser ces choses. Mais tu dois avoir la certitude que si tu délaisses ces choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te les remplacer par quelque chose de meilleur. Place donc ta confiance en ton Seigneur et une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras les fruits de cette confiance apparaître dans ton quotidien, Inch'Allah ta'ala. Ceci était donc quelques leçons et quelques enseignements que l'on tire de ce récit immense. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.